Aujourd'hui, je vais parler de quatre qualités qui nous aident à vivre ensemble avec les autres. On appelle cela en pali les Brahma Vihara. Et ce mot a plusieurs sens. Il est parfois traduit comme les demeures divines. Et on peut pratiquer cela de différentes façons. On peut le pratiquer comme une pratique de l'absorption. Mais aussi, on peut le pratiquer d'une façon beaucoup plus ordinaire, un peu à la façon dont on la pratique le matin, en réfléchissant, puis-je être en bonne santé, heureux et en paix, etc., afin d'apporter un état d'esprit sain, un état d'esprit bénéfique. Et donc aujourd'hui, c'est de ce type de pratique plus ordinaire que je vais parler. Donc ces quatre demeures sublimes, comme on les traduit, sont metta d'abord, l'amour bienveillant, karuna, la compassion, mudita, la joie partagée, avec quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, et upekkha, l'équanimité. Donc, ce qu'on appelle l'amour ne correspond parfois pas vraiment au véritable metta. C'est pourquoi on traduit l'amour bienveillant, metta, parfois par l'amour désintéressé. Et la caractéristique de ce type de qualité, c'est qu'elle veut ce qui est bon pour les autres. La fonction de cette qualité, donc de metta, c'est de se manifester sous la forme de paroles, d'actions ou de planification en vue de réaliser des choses qui serviront au bien-être des autres. Donc c'est assez naturel quand on a le sentiment de vouloir le bien des autres que on va accomplir des actions, des paroles qui rendront les autres effectivement heureux. Ça vient assez naturellement. La manifestation de cette qualité, c'est aussi de déraciner les querelles, les ressentiments, les rancunes qu'on peut éventuellement avoir à l'égard d'une personne, car ces querelles, ces ressentiments, ces rancunes ne tiennent pas face au pouvoir de la bénévolence. Alors comment est-ce qu'on peut faire apparaître cette qualité de bénévolence? Alors il est dit que la cause qui fait apparaître metta, qui fait apparaître cette bénévolence, c'est le fait de voir les aspects aimables, les aspects appréciables chez une personne. Si on observe tout le temps ses mauvais côtés, on va seulement susciter du rejet, de la raideur dans l'esprit, de la rigidité dans l'esprit. C'est un peu comme lorsque on touche une grenouille, une grosse grenouille, une grenouille bœuf avec un bâton, elle va gonfler jusqu'à devenir énorme. Et finalement, elle sera totalement incapable de bouger. Donc, on doit essayer de trouver chez une personne, même une personne qu'on n'apprécie pas éventuellement, des aspects aimables, des aspects, des qualités positives, même si ces qualités sont vraiment minimes. La deuxième qualité dont on va parler ce soir, c'est la compassion, c'est une qualité qui nous aide aussi à vivre en commun. Et il ne s'agit pas de pitié ou de chagrin, il s'agit de la volonté d'éliminer, de chasser la souffrance chez les autres. Donc, il y a une phrase en pali qui explique que sa caractéristique, c'est cela, c'est essayer de chasser la souffrance chez les autres, la caractéristique de cette qualité. Alors, la fonction de Karuna, de la compassion, c'est qu'elle rend quelqu'un incapable de rester tranquille, de rester sans rien faire lorsqu'il voit quelqu'un d'autre qui souffre. Il va vouloir faire quelque chose, qu'il en soit capable ou non. Et la manifestation de cette qualité, c'est l'absence de cruauté. Comme on veut soulager la souffrance de quelqu'un d'autre, on est incapable de générer la moindre cruauté. En fait, Karuna est l'opposé de la cruauté. Comment faire apparaître cette qualité dans l'esprit? Lorsque l'on voit que des gens qui souffrent n'ont aucun refuge, qu'ils n'ont rien sur quoi ils puissent s'appuyer, cette qualité mentale va apparaître en nous. Donc la troisième qualité dont on parle ce soir, c'est mudita, ou bien la joie empathique, qui a la caractéristique de se réjouir, d'être content, d'être joyeux. La fonction de cette qualité, c'est d'éliminer l'envie ou la jalousie. Lorsque on se réjouit de voir quelqu'un d'autre connaître le succès, il n'y a plus de place pour l'envie ou la jalousie, qui est à l'opposé. Et cette qualité se manifeste par l'absence de mécontentement, le fait d'être libre de tout mécontentement. Si, lorsqu'on est jaloux ou envieux, on est mécontent. Mais dans le cas où cette qualité de joie empathique apparaît, le mécontentement ou l'aversion sont éliminés. Et la cause, ce qui amène donc la joie empathique, c'est de voir le succès des autres. La dernière qualité qu'on voit ce soir, c'est upekkha, l'équanimité. C'est une qualité qui nous aide aussi à vivre ensemble, et sa caractéristique, c'est une attitude équilibrée à l'égard de tous les êtres. Donc ce sentiment d'équanimité n'est pas de l'indifférence, c'est plutôt l'absence à la fois de goût pour quelque chose et de rejet pour quelque chose. C'est le fait d'être équilibré vis-à-vis des autres. Et cela procède d'une compréhension, de la compréhension que tous les êtres sont les détenteurs de leur propre karma. Tous les êtres possèdent leur propre karma. Et que nous voulions qu'ils soient heureux, que nous voulions qu'ils soient libérés de la souffrance, que nous voulions qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont déjà acquis, les mérites qu'ils ont déjà acquis, que nous voulions cela ou non, nous devons comprendre que, quoi qu'il arrive, tous les êtres finalement agiront en fonction de leur karma. Et donc, ça ne veut pas dire non plus que nous ne devrions pas aider les autres, mais ça peut aider de comprendre que, ultimement, ils sont les héritiers de leur propre karma. Alors, si ces différences donc entre ces quatre qualités ne sont pas encore tout à fait claires, il y a des métaphores, une métaphore en particulier dans les textes, qui explique ces différentes attitudes, ces différents sentiments ou attitudes ou qualités de l'esprit. Donc, la première comparaison, c'est le sentiment que peut avoir une mère pour ses quatre enfants. Le premier enfant, c'est le plus jeune. Il est encore très petit. Et donc, la mère veut bien s'occuper de lui, bien veiller à ses besoins. Elle veut qu'il soit heureux, elle veut qu'il soit en bonne santé. Et ça correspond à metta, à l'amour bienveillant. Le deuxième enfant est un peu plus âgé, mais il vient d'être sevré. Et il n'est pas encore habitué à manger de la nourriture solide, et donc il est un peu malade. Et sa mère aimerait qu'il soit libre de la souffrance. qui soit libéré de la souffrance. Ça correspond à Karuna, à la compassion. Le troisième enfant est en bonne santé. Elle a passé l'âge du sevrage, etc. Et elle peut courir dans tous les sens, elle peut jouer comme elle l'entend. Et donc, quand sa mère la voit, elle est contente, elle est heureuse. Et ça correspond à mudita, la joie empathique. Le quatrième enfant, la plus âgée, elle est tout à fait adulte maintenant. Et elle est capable de prendre ses propres décisions. Ce n'est plus un bambin, c'est plus un petit enfant. Et donc la seule chose que la mère peut faire, c'est la regarder, c'est observer ce qu'elle fait, et elle peut aussi, avec équanimité, et elle sait aussi que son bonheur dans la vie dépendra de ses propres décisions. Et donc elle comprend simplement cela, et ça correspond à upekkha, l'équanimité. Metta, mais aussi les autres qualités, mais surtout, avant tout, metta, sont très importants pour vivre en communauté. Lorsqu'on veut le bien-être des autres, on est aussi capable de les pardonner lorsqu'ils nous font du tort. Donc metta nous donne la capacité à pardonner, nous donne la capacité à endurer avec patience. La capacité à endurer, à être patient, sont très importants parce que il y aura toujours des choses qu'on n'aime pas dans la vie. Si on nous fait du tort, si on ne possède pas ces qualités et qu'on nous fait du tort, on va vouloir prendre des représailles, faire des représailles, et puis la personne sur laquelle on se sera vengé va à son tour faire des représailles, et ça terminera en dispute, et les disputes blesseront les deux parties. Les deux parties en sortiront avec des dégâts. Donc metta et la patience sont deux qualités qui vont très bien ensemble. Par ailleurs, metta nous rend aussi capable de faire des sacrifices, de voir l'intérêt du groupe avant notre propre intérêt. Et donc cette qualité à ce niveau-là aussi, est très utile pour la vie en société. Alors dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'égoïsme. Les gens voient d'abord leur propre intérêt, voient d'abord ce que eux veulent ou ce que leur groupe veut, et ils ne voient pas l'intérêt des autres, ils ne voient pas les besoins des autres. En général, lorsqu'on ressent l'amour bienveillant, on ne se soucie pas de savoir si l'autre partie sent la même chose pour nous, enfin se préoccupe aussi de nous ou ressent également metta pour nous, bien que metta puisse avoir cet effet de créer une forme de réciprocité chez l'autre, de générer chez l'autre le même sentiment que nous on a à son intention. Et à ce sujet, j'aimerais raconter une histoire au sujet des bénéfices de metta. J'ai dit plus tôt qu'il y avait 11 bénéfices à metta, et ceci c'est un de ces 11 bénéfices, c'est à propos des animaux qui vont nous aimer. Alors, vous le savez peut-être, mais en Birmanie, il y a beaucoup de chiens errants, et il y avait un homme qui s'appelait Ubatu, qui aimait particulièrement les animaux, qui ressentait beaucoup de compassion pour eux, et il aimait en particulier les chiens, donc il s'occupait d'eux, il prenait soin d'eux, et il les nourrissait. En particulier, il y a beaucoup de chiens errants dans les environs des pagodes. Et ici, cet homme, Ubatu, se rendait régulièrement à la pagode Chekison. Donc une pagode à... In Yangon, à Rangoon. À certains jours, pour nourrir les animaux. Et donc les chiens venaient chaque fois vers lui pour le saluer. Ce qui est assez fréquent, ce qui n'est pas si extraordinaire que ça. Alors un jour, cet homme s'est rendu en pèlerinage à Chaitio, et il a dû passer par un certain village où les chiens étaient connus pour mordre fréquemment les passants. Et donc Alors qu'il arrivait dans ce village, les chiens ont commencé à courir après lui, donc tout le monde s'est dit « Oh, ils vont mordre cet homme. » Mais pas du tout. Une fois arrivé près de lui, les chiens ont donné leurs pattes gentiment et l'ont salué amicalement. Et ça ne peut être que le résultat de son habitude de donner de la nourriture aux chiens alors qu'il était encore à Rangoon. Donc dans cet exemple, dans cette histoire, Metta avait été réciproque. Et c'est quelque chose qui peut se produire dans la réalité aussi. Enfin, ici, une histoire réelle, je pense. Mais que Metta soit seulement unilatéral ou bien réciproque, quoi qu'il en soit, cette qualité rend la vie en commun possible. Et il en va de même des trois autres qualités mentales. Elles rendent aussi la vie en commun possible. Lorsque on ressent l'amour bienveillant, qu'on développe l'amour bienveillant, cela devient naturel de ressentir aussi de la compassion lorsqu'on voit quelqu'un souffrir et d'avoir le désir de le soulager de sa souffrance, de soulager cette personne de sa souffrance. Lorsque Metta devient fort, ça viendra assez naturellement. Et de la même façon, lorsqu'on possède ces deux premières qualités de Metta et de Karuna, on pourra aussi être heureux lorsqu'on verra d'autres connaître le succès ou bien obtenir ce qu'ils souhaitaient. C'est quelque chose qui vient assez naturellement sur la base des deux premières qualités. Alors ceci conclut donc ce que je voulais dire à propos des quatre demeures divines. Mais à présent, j'aimerais aussi parler d'une autre qualité qui est utile à posséder, mais c'est autre chose, donc je change de sujet. Alors j'ai déjà mentionné ceci plus tôt, mais je voulais le mentionner aussi pour les yogis qui vont quitter le centre, même s'il y en a beaucoup qui sont déjà partis aujourd'hui, mais d'autres vont bientôt quitter le centre dans les jours qui viennent. Et je veux en parler parce que cette qualité est très utile pour vivre notre vie. Et il s'agit de la capacité à réfléchir sur l'opportunité d'agir en acte ou en parole. Techniquement, cette qualité, ça s'appelle la compréhension claire. Et elle couvre à la fois le caractère bénéfique d'une parole ou d'un acte et le caractère approprié d'une parole ou d'un acte. Donc le Bouddha a dit, avant d'entreprendre une action, avant de dire quelque chose, avant de planifier quelque chose pour soi-même ou pour les autres, nous devrions réfléchir, considérer sur son caractère bénéfique. Et si quelque chose n'est pas bénéfique, nous devrions nous abstenir de le faire. De cette façon, nous éviterons aussi les conséquences néfastes qui pourraient survenir. Néanmoins, ce n'est pas suffisant de réfléchir seulement au caractère bénéfique de quelque chose. Donc, outre le caractère bénéfique d'une action, nous devrions aussi considérer son caractère approprié. D'accord, une action peut être bénéfique, mais vient-elle au bon moment? Si le moment n'est pas encore vraiment approprié pour l'accomplir, on n'en retirera pas autant de bénéfices que nous souhaiterions. Par contre, si on tient compte des deux aspects, de l'aspect bénéfique et du bon moment, du caractère approprié de l'action, on en tirera beaucoup de bénéfices et on connaîtra le succès. Donc ça demande de la pratique, de développer l'habitude de réfléchir au caractère bénéfique et approprié des actions, mais si nous en prenons l'habitude, on va savoir, si on prend l'habitude donc de réfléchir à nos actions, à nos paroles et à ce qu'on planifie, de plus en plus, nous allons savoir ce qu'il faut faire. Automatiquement, on choisira les bonnes actions au bon moment. Le caractère bénéfique et le caractère, lorsque la capacité à considérer le caractère bénéfique des actions et le caractère approprié des actions devient mûr, on développe un type de sagesse particulier qu'on appelle Pariharika Panya, c'est-à-dire la capacité d'accomplir des choses d'une façon appropriée. On pourrait presque traduire ça par la sagesse en action. Donc c'est quelque chose que nous devrions comprendre, l'intérêt de ce type de sagesse. Donc j'espère que vous serez tous capables de pratiquer les bonnes actions de la générosité, de la moralité et de la culture mentale, la méditation, au moment approprié, dans la mesure de vos disponibilités, de vos possibilités, et ainsi votre vie deviendra meilleure, de plus en plus meilleure, et vous obtiendrez la libération que vous désirez tant. Sadhu, sadhu, sadhu.